Et si tu réussis un jour, c'est parce que t'auras voulu. Et moi je trône. Hey. Frérot, très haut est le moral. On veut tous traverser l'orage. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. Ces négros ne sauront jamais nous empêcher de réussir, personne ne pourra. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. On est tous concernés, on est tous concernés. La vie et la mort et la vie. On est tous concernés, on est tous concernés. On est tous concernés. La vie et la mort et la vie. La vie et la mort et la vie. Je lève tous les matins pour te ramener à manger. Tu dis que c'est la merde. Certains enfants n'ont pas conscience de l'âge. Parce qu'ils ont d'avoir des parents courageux. Tant que tu peux, dis-lui je t'aime. Apporte-lui de la joie, on remplace pas une mère. Fonce dans ce que t'as choisi. Ta passion c'est ta vie, même s'ils veulent te décourager. Est-ce que tes parents sont fiers de toi? Est-ce que te droguer c'est nécessaire? Est-ce que t'as assumé tes actes quand ta petite t'as dit qu'elle attendait un bébé? Hey, on est tous concernés. Faut toujours essayer de faire mieux. Hey, et rien n'est éternel. Tes problèmes sont finis. Yeah. On veut tous traverser l'orage. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. Ces négros ne sauront jamais nous empêcher de réussir, personne ne pourra. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. On est tous concernés. On est tous concernés. La vie et la mort et la vie. On est tous concernés. On est tous concernés. On est tous concernés. La vie et la mort. La mort et la vie, la vie et la mort et la vie. Frérot, très haut est le moral. On va plus croire tous ces connards. Qui du quartier devient renard. Perdre un parent ça fait trop mal. Perdre un proche ça peut traumatiser. Que des victimes et personne accusé. Devenir un grand de ce monde, ma vision. Finir bien et accomplir ma mission. Finir bien et accomplir ma mission. Devenir le meilleur et sans discussion. C'est rageux, parle, j'entends pas ce qu'ils disent. Viens ton, je pars en vacances à Ibiza. Hier les poches étaient vides, on faisait les magasins remplis de frustration. Je veux dire à mes gars, prenez tout, aujourd'hui c'est moi qui règle la vision. Frérot, très haut est le moral, on veut tous traverser l'orage. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. Ces négros ne sauront jamais nous empêcher de réussir, personne ne pourra. La vie c'est loin, faut du courage. Ce qu'on a vécu, personne ne le saura. On est tous concernés, on est tous concernés. La vie et la mort.